La ligne de rive continue qui jalonne le bord gauche de la chaussée signifie que la circulation se fait à sens unique. Ce panneau indique d'autre part que cette chaussée est à caractère prioritaire. À toutes les intersections rencontrées, les autres usagers devront me céder le passage. Il ne faut pas le confondre avec le panneau de priorité ponctuelle, ni avec des panneaux triangulaires temporaires qui, eux, annoncent des travaux. Réponse B.